On n'a sûrement pas la même classe. Toi et Wam, non. C'est du rap made in RTC, pas made in Taïwan. Emballez vos bla bla bla, place à bla bla brut. Dans le rap, y'a que des bonhommes, je ne vois qu'un tas de putes. Concurrence tellement faible que je clash des rockers. J'aime tellement le hip hop que j'en ai mal au cœur. J'ai repris du service, t'inquiète, je sais qu'il flippe. Aucun signe de l'oreille gauche et l'oreille droite qui siffle. Je fais partie de ceux qui ne laissent jamais l'instru indemne. Donc comprends, je ne considère pas le rap comme un game. Je suis au bord de la crise de nerfs. Je t'ai vu en concert, je préfère mater plus belle la vie et ses actrices de merde. Quand t'entends que ça kick dans les parages, ne crois pas que c'est de toi que l'on parle, enculé de ta race. Excusez-moi d'avoir été si grossier. Sache les Mac en stud, nous m'a transmis son dossier. Ce n'est pas à moi que tu vas la faire. Ce qui nous différencie, c'est que mon rap a du caractère. Black, brut, tu ne connais pas encore, ça arrive. Un mélange d'insolence, d'excellence et de charisme. La modestie, je lui mets un front kick. Oui, je rappe et je vis enflé. Même Jay-Z fait du souci, j'ai de quoi détourner Beyoncé. Congolais, la musique circule à la place du sang. Qu'on me jette la pierre si nous ne sommes pas les boss du son.